Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. 55 minutes de radio coups humains, un thème et 4 épisodes à 17h et même à 23h. Cette semaine, ce qui reste, les mille et une vies de nos objets, une série de Laetitia Druard réalisée par Anne Fleury. Au départ de cette série, il y a ce truc dont on se demande pourquoi on le garde ou dont on ne sait plus très bien comment il est arrivé là. Ou encore ces maisons ou ces appartements dans lesquels on a vécu et qu'il faut un jour vider. Alors pour commencer, les personnages. Un couple qui se déleste avant d'embarquer, un autre qui vide les maisons, des enfants sentimentaux ou embarrassés et un historien qui remet les choses en place. Ensuite, le décor. Un bateau, des maisons vides, des maisons pleines à craquer, des études notariales, des entrepôts, des camionnettes, des greniers, des caves et des cartons abandonnés. Aujourd'hui, troisième épisode, on doit tout trier. Je veux pas voir le sac que je récupère dans les maisons, dans les débarras. De l'antiquité. Il y a des meubles, bibelots, des plaques émaillées, des jouets anciens, commodes, des petites bricoles qu'on récupère dans les vides, dans les maisons qu'on vide, quoi. C'est une petite cabane de chantier. C'est pleine à craquer. Pleine à craquer. Que vous avez récupéré quand ? Ça, il y a 2 mois de ça. Ouais. Et après, là, il y a 3 semaines que j'ai débarrassé une vieille maison dans le garage, il y en a encore autant. Il y a des moments d'horloge, enfin, il y a tout, quoi. Des vieilles boîtes, de peu d'outillage. Là, vous avez des banquettes, des canapés anciens. Le dernier inventaire. Qu'est-ce que vous allez faire de tout ça? On essaye de les recycler, quoi. On fait un vide-grenier tous les par an. On doit faire 3 vides maison et voilà, ça permet de gagner un peu d'argent, quoi. Je les revends dans les taxes. Et les gens, voilà, des 5 euros, des 10 euros par-ci, des 20 euros, des 50 euros, et voilà. Après, j'avais mon père. Moi, je suis pas d'ici, je suis de la Loire. Donc après, mon père, avant, il chinait, on chinait le pater, quoi. On roulait à 3 à l'heure, à 5 à l'heure dans les rues, on criait pater, et les gens nous arrêtaient, quoi. Le pater. Chaque région a un truc spécifique. Ici, c'était la peau de lapin. Pater, on récupérait tout. Meubles, bibelots, on faisait l'antiquité, on faisait tout avant, dans le temps. Je continue toujours. Hein. Après, voilà, ça, c'est une activité à côté, quoi. À Saint-Étienne, le pater était celui qui passait dans les rues de la ville pour récupérer tout ce qui pouvait encombrer les appartements et les maisons. Il est aussi appelé le pélarotte dans le sud ou pilower en Bretagne. Les enfants turbulents, sous la menace de leurs parents, peuvent se rappeler avoir échappé à sa charrette. Il est le chiffonnier, le réparateur ambulant, le brocanteur, le ferrailleur et aujourd'hui, le débarrasseur. Donc là, on est sur une intervention, un débarras, qui est dans le cadre d'une succession, ce qui est quasiment tout le temps le cas. On a vu 2 personnes, ils doivent être 5 ou 6 de ce que j'ai compris dans la succession. On a vu 2 sœurs hier, qui nous ont accueillis, donc qui ont, eux, fait déjà leur tri des effets personnels, de choses qu'ils voulaient éventuellement récupérer dans l'habitation. Donc là, on doit vider la totalité, l'intégralité vraiment de l'habitation et de ses dépendances. Après, on a un délai imparti qui est de 4 à 5 jours. La maison est intégralement vide, ses dépendances également, donc d'ici à la fin de la semaine. Et après, bah là, on a attaqué par les pièces les plus compliquées et les plus sales hier. La cave qui était particulièrement sale parce que c'était beaucoup de bois, des tonneaux, des bouteilles, mais elle est très humide et du coup le bois était pourri, partait en miettes. Et les greniers des dépendances qui étaient très poussiéreux. Donc voilà, bah c'est une maison qui est assez ancienne, on peut le voir, c'est une ancienne longère qui a été réhabilitée dans certains endroits. Je pense que là, ça c'était une ancienne grange qui a été fermée avec porte-fenêtre. Donc il y a ces dépendances avec les anciens greniers à foin. Donc on a commencé par ça et comme ça maintenant c'est bon, on a pu y revenir, on est dans la partie plus saine qu'est l'habitation. Et on continue sur les 3 jours, on a un process de travail qui est bien précis, de tri, en fonction des différentes catégories de déchets. On va avoir l'encombrant, on va avoir le bois, le métal, également tout ce qui va pouvoir être restitué à des associations, autant que possible. On essaie d'éviter de jeter lorsque c'est possible, on a l'habitude de fonctionner avec eux, et tout ce qui va être valorisé. Ce qui va être valorisé, c'est ce qui a été vu le jour du devis. qui a été fait précédemment. Et donc le jour de du devis, on établit un état des lieux du volume à travailler, à vider de l'habitation et de ses dépendances, et en parallèle un état des lieux des valeurs qui peuvent également s'y trouver, qui viennent directement en déduction du coût du service. Et la part qui peut être intéressante pour vous, le résultat des valeurs. Donc 1 400 €, ça correspond aux valeurs que nous avons estimées dans l'habitation le jour du devis, qui sont déduites du coût du service, qui nous amène à un chiffrage final. Donc de 4 432 €. Voilà, c'est ça. Facturé au client pour vider l'intégralité de l'habitation. Hop. Donc on va tout détailler niveau par niveau et pièce par pièce. Donc on commence au rez-de-chaussée, la salle de bain, les toilettes, l'entrée, la cuisine, avec le détail un maximum de ce qui s'y trouve. Dans certaines pièces, par exemple, il y avait une chambre intermédiaire qui se situait au rez-de-chaussée. L'ensemble, il n'y a absolument aucune valeur. Donc on crée un ensemble pour la totalité de la pièce avec son volume général et pas de valeur du tout. Cette pièce-ci. Voilà, on rentre dans une pièce comme celle-ci. Ça, c'est une armoire un peu grossière des années 70. C'est du bois aggloméré, puis personne ne cherche ça. Le contenu, il n'y a rien d'intéressant dedans. Les tapis, on voit bien qu'ils peuvent être un petit peu abîmés, sales. La vieille table, là, n'a pas trop d'intérêt, éventuellement pour de l'associatif. Donc ça, je vais la garder. Elle ira certainement dans un dépôt de type Emmaüs, les débarrasseurs du cœur, les choses comme ça. Dans le fond, là, c'est un lit escamotable. Plus personne n'achète ce genre de choses, c'est beaucoup trop lourd, beaucoup trop important. Et en plus, plus personne n'utilise ça. Le fauteuil, c'est pareil. Donc ici, l'intégralité de ce qui se trouve dans cette pièce est vouée à la déchetterie. Voilà. Est-ce qu'on peut le visiter? Bien sûr, bien sûr. En tout le rez-de-chaussée, donc on a différents des petits salons. On en avait un ici, c'est un lit qui pouvait se transformer en chambre. Ici, on a plus qui était un salon avec le secrétaire qui est là, la partie bibliothèque. On a différentes vitrines de présentation pour divers objets, que ce soit des souvenirs de voyage, des souvenirs de famille, des choses comme ça. Plutôt des bibliothèques dans le fond. On les voit encore chargées en livres. Et là, le secrétaire qui servait plus pour la gestion administrative, des choses comme ça. Ensuite, on passe au séjour. Donc, on se rend bien compte aussi que la famille a très bien fait son travail de recherche et de tri, de sélection elle-même. Dans certaines armoires comme celle-ci, on voit bien qu'à l'intérieur, tout a été retourné, par exemple. Tout ce qui était linge bien plié, bien rangé, ben là, on se rend compte que non, il n'est plus rangé du tout. Donc on sait que quelqu'un a fouillé et a regardé dedans pour voir s'il ne trouvait pas quelque chose. Et je dirais qu'il n'y avait pas énormément de valeur. Les gens ne s'attachaient pas forcément aux objets de grande valeur, les gens qui ont vécu ici. Donc, je pense pas qu'il y aura de grandes découvertes, vraiment. Parce que la base de votre métier, c'est pour fournir des objets pour votre deuxième activité qui est antiquaire, en fait, c'est exactement. Ça ? Exactement. Effectivement, notre base qui est de la brocante antiquité nous a permis en fait de développer la vente antiquité brocante en proposant en parallèle une prestation de service qui est le débarras d'habitation. C'est-à-dire qu'en fait, c'est clé en main. Nous, on valorise ce qui peut l'être. Les gens n'ont pas cette démarche à faire d'aller le mettre dans les dépôts-ventes ou dans des salles des ventes, des choses comme ça. Et on gère tout ce qui est déchetterie derrière. Là, en l'occurrence, avec la maison et toutes ses dépendances, on est sur une intervention qui se chiffre à 97 mètres cubes, ce qui va faire environ dans les 7-8 camions. Donc, les rotations, on va les faire pendant la semaine. Sur 97 mètres cubes, combien va partir en déchetterie ? Oh, là, c'est... un petit peu dur à vous dire comme ça maintenant. Là, il y en a 85 mètres cubes qui vont partir en destruction, à peu près. Voilà. On a l'équivalent d'un camion en valorisation. La plupart de ce que vous avez pu voir comme mobilier, par exemple, dans les pièces qu'on a traversées, la plupart vont en déchetterie. Au jour d'aujourd'hui, les dépôts-ventes sont pleins et de meubles anciens qui avaient de la valeur il y a encore quelques années. Mais maintenant, je dirais que c'est un petit peu triste à dire, on est la génération IKEA. Les gens mettent pas beaucoup d'argent dans le mobilier, le renouvellent très régulièrement. Donc investir dans un meuble qui a une centaine d'années en bois massif, dans un dépôt-vente qui va coûter une centaine d'euros, les gens, ça les intéresse plus beaucoup. La seconde porte découvrirait un bureau. Un peu à gauche de la fenêtre et légèrement en biais, une longue table lorraine serait couverte d'un grand buvard rouge. Des sébilles de bois, de longs plumiers, des pots de toutes sortes contiendraient des crayons, des trombones, des agrafes, des cavaliers. Une brique de verre servirait de cendrier. Une boîte ronde, en cuir noir, décorée d'arabesques à l'or fin, serait remplie de cigarettes. La lumière viendrait d'une vieille lampe de bureau malaisément orientable, garnie d'un abat-jour d'opaline verte en forme de visière. De chaque côté de la table, se faisant presque face, il y aurait deux fauteuils de bois et de cuir, à haut dossier. Plus à gauche, encore le long du mur, une table étroite déborderait de livres. Un fauteuil club de cuir vert bouteille mènerait à des classeurs métalliques gris, à des fichiers de bois clair. Un trépied de bois peint, presque au centre de la pièce, porterait une map monde de Mysore et de carton bouilli, naïvement illustré, faussement ancienne. La vie, là, serait facile, serait simple. Toutes les obligations, tous les problèmes qu'implique la vie matérielle trouveraient une solution naturelle. Une femme de ménage serait là chaque matin. On viendrait livrer chaque quinzaine le vin, l'huile, le sucre. Il y aurait une cuisine vaste et claire avec des carreaux bleus armoriés. Il serait agréable de venir s'y asseoir chaque matin, après une douche, à peine habillée. Il y aurait sur la table un gros beurrier de grès, des pots de marmelade, du miel, des toasts, des pamplemousses coupées en deux. Il serait tôt. Ce serait le début d'une longue journée de mai. Georges Perec, Les choses. Tout au long de notre vie, des objets nous accompagnent. Ils entourent notre quotidien, on les accumule tout autour de nous. On les choisit d'abord, on les trouve beaux ou pratiques, on les oublie pour mieux les retrouver, on les casse, on les transporte d'ici vers là, en sac à dos et en carton, on les trie, on les range, on les rassemble, on les utilise tous les jours, et puis d'un coup, plus du tout. Dans une cave du 20e arrondissement de Paris, quelques affaires m'attendent peut-être encore. Je n'ai plus l'adresse exacte, je ne sais même plus à qui appartient cette cave. Je me rappelle seulement d'y avoir déposé il y a quelques années un micro-ondes et tout un tas d'autres trucs. Des objets assez importants pour prendre soin de les stocker, mais pas assez pour les garder avec moi. Dans des maisons abandonnées, des greniers inaccessibles, des caves oubliées, des millions d'objets attendent, vieillissent, pourrissent. Que deviennent-ils une fois perdus ou laissés de côté ? Existe-t-il encore après nous ? Qu'est-ce qu'il y a devant moi ? Alors, il y a un vélo, des jeux, un Karcher, notre lit, des cartons, une échelle, un établi, des affaires de jardin, une horloge, des planches de bois entassées, un micro-ondes. Il y a le lit cabane de loup, des lampes, on a un petit cheval à bascule, un barbecue. Je m'appelle Yorick, j'ai 33 ans et on est là aujourd'hui pour faire un tri dans un garde-meuble. Donc on a quitté notre vie terrienne pour une vie en bateau et on aimerait se séparer de notre garde-meuble pour des questions d'économie et toutes ces affaires, on pense qu'elles peuvent encore servir à quelqu'un, donc plutôt qu'elles soient entassées dans un garde-meuble, on va essayer de les donner ou de les vendre. Ne garder que le strict minimum. Et si vraiment on a besoin d'autre chose, on louera, on empruntera, plutôt que d'acheter et de devoir stocker des affaires qu'on n'a pas forcément besoin. Allez, moi je vais commencer avec les habits. Alors là, j'ai nos affaires à nous. C'est un sac typiquement où il y avait des affaires aux enfants, des affaires à nous. J'ai retrouvé des tapis de bain, donc des linges de maison, une combinaison de ski. Allez, un sac pour Emmaüs. Je m'appelle Vanessa, j'ai 32 ans. Et aujourd'hui, on trie vraiment les choses sentimentales. C'est vraiment ce qui restera, je pense. On va voir ce qui reste à la fin de la journée, mais à mon avis, il va rester que des affaires sentimentales. C'est comme si on partait avec notre sac à dos sur le dos, quoi. Il va plus rester grand-chose, je pense. La dernière fois que j'ai fait du tri comme ça, c'était pour le décès de mon grand-père. C'était pas une situation très joviale. Aujourd'hui, nous, c'est quelque chose de voulu, c'est décidé, c'est notre vie, c'est notre choix. Mais il y a des trucs, Là, j'ai des trucs dans les mains, qu'est-ce que j'en fais, quoi? Qu'est-ce que je fais de ça? Du parfum, j'en ai plus. Manuel Charpie, historien. La culture matérielle, il y a plein de définitions possibles, mais c'est simplement l'idée de dire que il y a un ensemble d'objets qui fait sens, qui construit un ensemble d'usages, qui porte des identités sociales. Ça s'est aussi développé un peu contre une histoire des idées. C'est-à-dire que si on s'intéresse à l'économie, c'est bien de voir comment ça se passe vraiment et pas nécessairement de s'en tenir au discours sur l'économie. Donc c'est aussi la culture matérielle une manière de regarder de plus près les usages, c'est-à-dire de pas penser les objets seulement comme des types, mais de voir ce que les gens en font, comment ils les transforment, comment ils les gardent, comment ils les transmettent, c'est-à-dire pris dans des pratiques. Avec l'idée aussi du coup que les choses restent plus ouvertes, plus incertaines. Face à un objet, on peut proposer plusieurs interprétations, mais on a du mal à en donner une seule, alors qu'un texte peut être plus univoque. Et l'autre chose qui me semble importante avec la culture matérielle, et elle s'est développée, je pense aux travaux de Daniel Roche, par exemple, pour le XVIIIe siècle, c'était un moyen d'accéder aux classes populaires. Et voilà, la culture matérielle, il y a l'idée qu'en gros, les objets, tout le monde utilise des objets. Donc on va pouvoir avoir accès à toute la société. J'ai eu envie de travailler sur la bourgeoisie parisienne du XIXe siècle pour... D'abord parce que c'était très loin de moi. Il y avait tout un tas d'objets dans la bourgeoisie parisienne que je ne comprenais pas vraiment. Donc il y avait une sorte de d'étrangeté. Et en même temps, le sentiment d'avoir vu dans les milieux populaires, y compris dans les campagnes, etc., tout un tas de conventions et d'objets issus de la bourgeoisie qu'on utilisait, t'avais une sorte d'imitation, hein, pour dire les choses simplement, de la bourgeoisie. Par exemple, j'avais été frappé par des salons ouvriers, dans des toutes petites maisons ouvrières, assez modestes, des salons donc qui prenaient une grande partie de l'appartement, ou de la maison même, et qui n'étaient jamais utilisés, qu'on mettait sous housse, mais où il y avait tous les signes d'une sorte de sociabilité bourgeoise qui n'existait pas. Et donc on avait ces petits salons... vide toute l'année, et puis les gens se retrouvaient dans la cuisine, et ça allait très bien, dans une toute petite cuisine. Voilà, donc il y avait deux choses qui m'intéressaient, c'était à la fois ce monde qui devenait étranger, qui nous devient tous assez étrangers, hein, parce que voilà, Ikea est passé par là, enfin on a changé dans notre culture matérielle, et puis en même temps une sorte de permanence de tout un tas de signes dans notre société, et une diffusion sociale très forte, voilà. Est-ce qu'on peut revenir sur les objets incompris ? Je vais donner un exemple qui fera sourire plein de gens pour qui c'est une évidence, mais la timbale en argent, j'ai mis beaucoup de temps à comprendre ce que c'était que cette timbale en argent. Il faut dire que dans un salon ordinaire du milieu du 19e siècle, vous avez, 300-400 bibelots. Donc effectivement, je voyais passer des timbales, mais pour moi c'était une espèce de capharnaüm de bibelots. En fait, non, la timbale, c'est quelque chose de très codifié dans le souvenir intime des familles. C'est la première timbale avec la petite cuillère en argent. Oui, il y a une histoire de la petite cuillère en argent qu'on va donner à l'enfant quand il commence à manger sa bouillie tout seul. Ça rentre dans l'hôtel des souvenirs familiaux et de la construction de l'individu. Et voilà, et cette timbale, elle est en argent, elle est gravée au nom de la personne. Et voilà, donc on la conserve. Voilà, ben ça c'est typique. Pendant longtemps, j'ai vu timbale en argent et j'ai pensé que c'était une sorte de joli morceau de vaisselle en argent qu'on mettait en avant. Je pourrais donner plein d'autres exemples, mais dès qu'on commence à tirer le fil de pourquoi cet objet est là, pourquoi il y a cette timbale, pourquoi on la conserve, on raconte tout un tas d'histoires et de pratiques et de mise en scène évidemment d'un groupe social et des individus. Bah, du coup, là, je suis dans la cuisine, et puis bah, je vais vider tous ces placards en triant ce qui s'y trouve. Après, chaque débarrasseur fonctionne à sa façon. Moi, je commence toujours d'un côté, et je ratisse jusqu'à l'autre bout. Je pioche pas un petit peu dans chaque pièce, j'aime pas m'éparpiller. Je commence une pièce, je la termine. Donc ça va à la poubelle. Ça, c'est de la poubelle. Ouais. Ferraille. Là, on est sur de la verrerie classique de tous les jours. Absolument aucun intérêt, que ce soit pour le don associatif ou la valorisation. Le sac que vous êtes en train de faire, il ne va pas être réouvert par quelqu'un. Il va être vidé sur un plateau. Et après, alors eux, ils ont souvent, ils les mettent dans des camions. Soit ça part dans des bâtiments, c'est retrié. Soit c'est directement enfoui. Voilà. Et ce qu'on appelle du DIB, c'est divers déchets industriels banals. Alors, parce que, encore une fois, c'est avec l'habitude. Ça, c'est de la céramique bretonne. Alors, où qu'on soit en France, c'est impressionnant. Je pense que tout le monde allait en vacances en Bretagne, parce qu'on en retrouve partout. Les bols à oreilles avec le nom dessus, les choses comme ça. Le breton, on en retrouve partout. C'est un sujet qui marchera toujours. Ensuite, on vérifie s'ils ne sont pas ébréchés. Et donc, par exemple, derrière nous, on a des petites... Est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'on voit? Est-ce que vous avez certainement fait? On va avoir différents petits bibelots, alors que ce soit du biscuit comme ça avec le petit personnage et son chien, une petite paire de vases. Hop, vous inquiétez pas. Une petite paire de vases qu'on va avoir. Direct là, on va voir qu'il y en a un qui est cassé, donc ça c'est directement déchiré. C'est dommage, une paire c'est plus intéressant, mais en fait ça va aller dans des cartons que nous dans la société on appelle des cartons de déballage. En fait, on fait les cartons de petits objets de très faible valeur. Et on fait, lorsque c'est possible, actuellement la situation ne nous permet pas beaucoup, situation Covid, mais faire les vides-greniers, les marchés, on vend à la volée au carton comme ça, 10 centimes, 50 centimes, 1 euro. Après, il y a d'autres objets. Alors si je fais tout dans la pièce, attendez, je vais essayer de vous trouver quelque chose qui sera peut-être un petit peu plus parlant. Pardon. Par exemple, des éléments comme ça. Ça, c'est du souvenir de voyage. D'origine africaine. Alors, au fur et à mesure des interventions, on va en récupérer. On va en avoir une dizaine. On va faire un lot qu'on va mettre sur Internet, sur eBay, aux enchères. Prix de départ, 50 centimes. Et ensuite, après, les gens enchérissent. Et le lot d'une dizaine de masques africains partira peut-être à 10, 15, 20 euros sur Internet. Voilà. Après, il y a tellement, tellement, tellement de sujets possibles. Les sujets, en fait, ce qu'on va appeler les sujets, c'est vraiment un type d'objet précis. Différents types de livres, les cendriers, les dés à coudre, les ciseaux, les montres, les pipes, les lunettes, les boîtiers de lunettes, les écrins de bagues, sans les bagues, les écrins vides. Voilà, c'est différents sujets. Et donc, vous imaginez bien qu'il y en a vraiment une quantité importante. Et on a une armée de petites mains dans notre dépôt qui s'occupe, en fait, de faire du référencement, de la prise de photos, et de la mise en annonce on utilise aussi Le Bon Coin, des sites après plus spécialisés sur des sujets précis comme les cartes postales, ça va être Delcamp, également les salles des ventes, lorsqu'on est sur des objets vraiment plus prestigieux, et sinon les dépôts-ventes pour tout ce qui est objets volumineux, type mobilier. Et le dépôt, quelle est sa dimension? On est sur un site, je crois, on doit être dans les 450-500 mètres carrés, tout plein pied. Vous y rentreriez, vous trouviez que ce serait une vraie caverne d'Ali Baba, quoi. C'est impressionnant, il y en a vraiment partout. C'est énorme. Ce qu'on voit au 19e siècle dans les intérieurs populaires, d'abord, il faut quand même signaler, et c'est important, que beaucoup de gens pauvres et très pauvres n'ont pas d'intérieur, en fait. Faut avoir ça en tête. C'est-à-dire que à Paris, on vit beaucoup dans des garnis, donc c'est pas chez soi. C'est-à-dire qu'on occupe, on n'est pas dans ses meubles. On n'a pas une chambre à soi. Et donc, on se trimballe avec quand même des objets, des vêtements, un peu de matériel pour l'hygiène, l'intimité, et puis des souvenirs. Ça, il faut le noter, c'est-à-dire que très tôt, dans tous les milieux, les objets portent des souvenirs et on les transmet, on les conserve avec soi, et voilà. C'est quand on regarde, y compris du côté de la morgue, par exemple, au 19e siècle, des gens qu'on repêche dans la Seine, par exemple, presque toutes et tous ont des objets dans les poches qui sont pas des objets utilitaires, qui sont des objets souvenirs. Donc un intérieur populaire, c'est ça. Et puis après, ça dépend des configurations. Voilà, y a des garnis où on n'a pas de quoi de se faire à manger. Et puis des intérieurs ouvriers où on a déjà une sorte de petit salon avec quelques fauteuils, des batteries de cuisine pour faire à manger, une machine à coudre. Il y a une gamme en fait un peu infinie, mais il est clair qu'il y a des contrastes sociaux indiscutables qui sont d'abord basés sur l'espace dont on dispose. Si on essaye après de... Si on s'arrête un peu sur les intérieurs bourgeois, et si on essaye de catégoriser les objets, en fait... Il y a une difficulté à catégoriser les objets, et pour les gens du 19e siècle aussi, notamment quand on fait les prisées de mobilier, quand on fait les inventaires, on se pose constamment la question de est-ce qu'on décrit les objets pièce par pièce, est-ce qu'on les décrit au contraire par type d'objet. Il y a toute une science du classement des objets au 19e siècle, mais parce qu'on est petit à petit submergé par les objets. Globalement, dans les archives des notaires, on va adopter en général une description par pièce. On trouve quoi ? On trouve du mobilier, on trouve énormément, et ça c'est une véritable différence avec nous, de tissus. Tous les murs sont couverts de tissus, les sols sont couverts de tapis, des rideaux doubles ou des rideaux triples. Et puis on va trouver énormément de meubles différents, des meubles qu'on connaît, des tables, des chaises, des fauteuils, des canapés, des divans, avec une chose importante, le 19e siècle est très, contrairement à ce qu'on pourrait penser, très fonctionnaliste, c'est-à-dire qu'on va fixer un meuble par posture, par gestuelle. Il y a un meuble pour se reposer, il y a un meuble pour se reposer mais en société, il y a un meuble pour s'avachir, le divan, il y a un meuble pour... Vous voyez, donc on a une multiplication des meubles assez étonnante, le repose-pied, le... Bon, enfin, je m'arrête. Et puis une multiplication des meubles à main, ces petits meubles qui vont permettre de ranger quelques lettres, de la boîte à ouvrage pour la couture, là, voilà. Donc tout un tas de petits meubles mobiles, très mobiles. Et puis après, on a une sorte d'infinité, il faut vraiment le ressentir, le penser comme ça, une infinité de bibelots, c'est-à-dire d'objets inutiles qui sont là comme des signes sociaux, comme des souvenirs, comme des citations artistiques. Ça devient très important dans les intérieurs bourgeois au XIXe siècle, c'est-à-dire des réductions artistiques. On a des copies de tableaux, énormément de copies de tableaux, mais on a aussi des Vénus de Milo en réduction, toute la statuaire antique en réduction. Là, on a des procédés techniques qui le permettent au XIXe siècle. C'est le procédé Colas qui permet de faire des copies en réduction, et puis après qu'on va mouler, qu'on va pouvoir avoir en bronze, en faux marbre, voilà. Dans les catégories, il y a une autre chose aussi qui trouble un peu toute cette liste infinie d'objets. C'est effectivement l'arrivée et le goût des antiquités. On a un goût très fort pour la nouveauté, l'objet neuf, l'objet à la mode, mais on va en même temps, et c'est très très fort en bourgeoisie, et là il y a une vraie différence pour le coup avec les intérieurs populaires. C'est-à-dire dans les intérieurs populaires, on consomme de la brocante, pour faire court, des objets qui perdent de leur valeur avec le temps, avec l'usage. En bourgeoisie, on va consommer des antiquités, c'est-à-dire des objets qui prennent de la valeur avec le temps. Et ça va devenir très important. Évidemment, c'est dur de ne pas y voir une sorte de métaphore de la bourgeoisie qui se s'ancre dans l'histoire, qui achète de l'histoire. Et ça, pour le coup, dans la transmission culturelle, je disais que les objets fabriquent un groupe social. Grandir au milieu des antiquités, c'est acquérir un lien avec le passé, une familiarité avec le passé et l'histoire, évidemment, très forte. On est chez soi dans le passé, ce qui n'est pas le cas dans les milieux populaires. Puis, à la fin des inventaires, on va mettre les objets un peu exceptionnels. On va mettre les tableaux. On va mettre les bibliothèques, l'argenterie. On va mettre parfois des curiosités exotiques, etc. On va mettre les garde-robes de côté aussi. Là, vous le voyez, c'est aussi parce qu'à chaque fois, ça peut correspondre à des commerces très distincts. Le commerce de la librairie, le commerce de l'argenterie à refondre. Et puis, dans ces inventaires, on va aussi extraire les papiers, ce qu'on appelle les papiers de famille, les archives. Et puis, il y a aussi des absents dans ces inventaires. Il y a une catégorie absente, ce sont les souvenirs de famille. Parce qu'en fait, tout le 19e siècle, il y a une religion collective du souvenir de famille en bourgeoisie, et on ne les prise pas, parce qu'on considère qu'un souvenir de famille n'a pas de prix. Donc voilà, donc les inventaires font facilement 2000 items. Tous ces objets qu'on a connus, à qui vont-ils appartenir? Que vont-ils devenir? Ça, je n'en sais rien. Oui, l'harmonica, je vais jouer l'harmonica. Mes 16 outils, pour quel jardin, je n'en sais rien. Certains jours, l'absence d'espace devenait tyrannique. Ils étouffaient, mais ils avaient beau reculer les limites de leurs deux pièces, abattre des murs, susciter des couloirs, des placards, des dégagements, imaginer des penderies modèles, annexer en rêve les appartements voisins, ils finissaient toujours par se retrouver dans ce qui était leur lot, leur seul lot, 35 mètres carrés. Des arrangements judicieux auraient sans doute été possibles. Alors pour peu qu'elle fût repeinte, décapée, arrangée avec quelque amour, leur demeure eût-elle été incontestablement charmante. Avec sa longue table de chêne, un peu branlante, achetée aux puces, qu'une petite écritoire à rideaux Second Empire, en acajou incrusté de baguettes de cuivre, dont plusieurs manquaient, séparait en deux plans de travail, pour Sylvie à gauche, pour Jérôme à droite, chacun marqué par un même buvard rouge, une même brique de verre, un même pot à crayon. Et il se serait dégagé de l'ensemble, propre et net, ingénieux, une chaleur amicale, une ambiance sympathique de travail, de vie commune. J'ai enfin fini les fringues et je commence par les cartons de vaisselle, tupperware. Alors là, typiquement, tu retrouves des trucs emballés, quoi. Non, mais c'est vraiment des cadeaux pourris de Noël qu'on nous a offerts. De mauvais goût que t'aimes pas, voilà, tu les retrouves. Ouais, la question qu'on se pose, c'est surtout qu'on veut pas jeter, quoi. Tu vois, tout à l'heure, j'ai donné. Vous voulez pas faire du déchet ? On veut pas faire de déchets, non. Ça fait du bien aussi ? De quoi ? De faire ce que tu fais, là, de s'alléger. Ah, de s'alléger, bah alors ça, ouais, ça fait du bien, ouais, tu te sens libre. Alors déjà, le bateau, c'est synonyme de liberté, mais alors là, c'est encore plus synonyme de liberté. Quand on se déplace de port en port et que tu sais qu'il y a tout dans le bateau, que c'est notre maison, c'est magique. Ça, Emmaüs, et puis bah, un petit cadre pour porte-clés à l'entrée de la maison, très sympathique, hein, soi-disant au passage, mais bah, je sais pas qu'est-ce qu'on a fait. On va déjà enlever la photo. Ça doit être une de nos premières photos quand on s'est rencontrés. On est un peu plus jeunes. Bah celle-là, elle est dans mon portefeuille, par contre, tu vois. On a besoin d'objets parce qu'ils nous aident à contrôler notre environnement, ils nous aident à contrôler les autres aussi. Valérie Guillard, enseignante-chercheuse à l'Université Paris-Dauphine. Et ils nous aident à nous sentir en sécurité. Lorsque vous rentrez dans une salle, dans une pièce, le fait d'avoir des objets, voilà, il y a une certaine chaleur, il y a une certaine, peut-être même une certaine convivialité. À l'inverse, le fait de n'avoir rien du tout dans une pièce, on dit souvent qu'il y a un sentiment un petit peu glacial, un petit peu froid dans cette pièce. Un autre besoin, c'est le besoin identitaire. C'est-à-dire qu'un objet, en fait, il va cristalliser toute une histoire. Il va cristalliser tout un ensemble d'événements que nous avons vécu tout seul ou avec les autres. Il va être dépositaire d'émotions qui vont nous construire. Donc là, c'est vraiment un besoin d'identité, un besoin même parfois sentimental. Hein, voilà, il va nous différentes émotions de nostalgie, de qui nous sommes, surtout aussi d'inscription dans une lignée familiale aussi. Voilà, une histoire personnelle, une histoire familiale. Et puis peut-être un troisième type de besoin, c'est vraiment un besoin de faire sa place, d'avoir une place à soi. Un peu un besoin de marquer son territoire. Bien, c'est un peu comme dans un bureau. Parfois, vous avez des piles de livres parce que, voilà, c'est un rempart contre une intrusion, par exemple. Au cours d'une vie, il y a plusieurs milliers d'objets qui nous accompagnent. Et ça, on le voit très bien, notamment lorsque on doit effectivement, entre guillemets, passer mon expression, trimballer ces objets d'un endroit à un autre ou lorsqu'on doit vider un espace. Moi, j'ai travaillé sur le fait de vider la maison d'un proche décédé ou qui part en institution. On se retrouve face à une vie d'objets, souvent. Pourquoi ? Parce que dans le cas où la personne est un peu âgée, elle a accumulé un tas d'objets et elle n'a pas fait ce tri. Parce que c'est pas encore aujourd'hui dans la norme de s'occuper de ses possessions, j'ai envie de dire, lorsqu'on est en fin de vie. On a toujours cette tradition de l'héritage et que, effectivement, les enfants vont s'occuper des parents et de ce qu'ils ont accumulé. En tout cas, pour l'instant, on est encore dans cet ordre des choses. Et les enfants se retrouvent, donc, face à une accumulation, face à ces objets qui leur rappellent souvent leur propre enfance, leur propre trajectoire, Et puis, alors après, il y a des pratiques qui sont très différentes. Vous avez les personnes qui gèrent les objets un par un. C'est-à-dire qu'ils vont faire venir un antiquaire pour faire évaluer les biens qui ont des valeurs. Et puis après, ils vont mettre sur Internet, sur des plateformes de dons. Et ils ne vont absolument rien jeter de leurs parents. Donc ça, c'est un cas de figure. Et puis à l'inverse, effectivement, vous avez des enfants qui ont besoin de détruire tout ce qu'avaient les parents. Et ben tout simplement aussi parce que la charge est trop lourde. Donc en fait, ils font venir une benne, ils mettent tout dans la benne parce qu'ils ne peuvent pas gérer objet par objet et puis c'est trop violent pour eux. Ce qu'il faut se dire, c'est qu'en fait, ces habitantes et ces habitants du 19e siècle passent leur vie à faire l'inventaire de leurs richesses. Et ça commence presque au début de la vie d'adulte, quand un couple se marie et s'installe. Ça commence par une liste de mariage. Et c'est une liste très matérielle. On fait ça sur des parchemins, on met ça, on en fait un espèce d'objet de cette liste de mariage. Et on va donc dire, un tel m'a offert une boîte à bijoux, un tel m'a offert, etc., etc. La famille X m'a offert ce petit divan oriental, etc., etc. Donc il y a une espèce d'inventaire comme ça permanent des cadeaux, notamment les étrennes. Au moment de les cadeaux de fin d'année, quoi. Les étrennes sont carrément une catégorie d'objets au cours du 19e siècle. Et l'étrenne, c'est un peu l'objet inutile mais rigolo et séduisant et des objets curieux, surprenants, des poupées qui parlent, des poupées qui nagent, des et puis quand et pour les adultes, quantité de petits bibelots rigolos, des petites sculptures, des de l'article de Paris et du bibelot. Donc là, c'est plutôt effectivement des objets qu'on va collectionner, accumuler, organiser. Donc c'est son petit monde social qui se construit, mais qui n'ont pas vraiment de fonction très forte. Pour ça, on peut faire un détour par d'autres archives qui sont formidables et à mon sens peut-être un peu sous-exploitées et qui sont le pendant des inventaires, ce sont les testaments. Avec un détail qui devient assez vertigineux, j'ai quelques exemples si vous voulez, de quels objets on offre à qui. Ça peut être le souvenir de famille, mais ça peut être aussi des amis, des proches. Mais cette idée qui devient très très forte au 19e siècle, que l'objet va porter la mémoire d'abord, et ensuite va garantir qu'on ne soit pas oublié. Je peux lire peut-être un testament tout de suite. C'est un testament déposé par une veuve. La veuve Antier, à la toute fin du 19e siècle, elle habite boulevard des Capucines dans un très bel appartement. Elle vient d'être veuve au moment où elle écrit son testament, donc on imagine à peu près le mécanisme dans sa tête. Et le testament est très, très, très long. Il y a plusieurs codicilles, c'est-à-dire plusieurs ajouts de sa main. Je vous donne juste un exemple, mais c'est infini, comme dans beaucoup de testaments à l'époque. Je lègue à Madame Bourrin, née Lucie Benoît, comme un bien faible souvenir de la très vive affection que je lui porte et à titre aussi de souvenir de famille, un huilier en argent Louis XVI. La poignée a été rapportée et peut être enlevée n'étant pas d'époque. Cet huilier avait été donné en cadeau de noces à Madame Demont, ma bisaïeule. Je lui donne également une marguerite en brillant, un bijou, qui me vient de sa mère et m'a été donnée par Monsieur Benoît en souvenir de ma plus chère amie. Je m'arrête là, ça c'est juste pour une personne qui est assez lointaine par ailleurs dans la parenté. Donc là c'est l'objet a une vie, cette vie porte des récits, et en même temps cet objet porte la vie des gens. Enfin, je pense que c'est cet aller-retour-là qui se met en place à ce moment-là, et de façon très très collective dans toute la bourgeoisie. Sa fenêtre ils ouvriront, sa porte ils refermeront, puis un jour ils mourront, et ceux qui resteront revendront. Ça durera combien, je n'en sais rien. Bonjour, vous allez bien? Bonjour, ça va? Ça va très bien. Qu'est-ce que vous constatez là en arrivant? Eh bien qu'il y a déjà eu pas mal de choses de faites depuis hier, c'est ce que je vois. Voilà, ils ont déjà bien regroupé les choses. quel rapport vous avez avec cette maison? Comment vous la connaissez et comment vous connaissez les gens? J'y venais en vacances quand mes grands-parents habitaient là. Je dormais dans une des chambres qui était en bas. J'y suis venue très très souvent. Pourquoi vous faites appel à des débarrasseurs professionnels? Quelle est la situation en fait? On ne peut pas garder cette maison étant donné que personne ne veut la racheter. Et... Donc voilà, on l'a fait vider pour la mettre en vente. Quels sont les objets que vous avez récupérés? Alors, particulièrement des rabots anciens de mon grand-père, puisque mon grand-père était menuisier ébéniste. Il faisait les clés aussi, il était serrurier. Il avait des rabots très très anciens. Je ne sais pas si vous en avez vu d'ailleurs, il en reste. Donc il avait beaucoup d'outils dans la crange là. Donc des choses comme ça. Un petit peu de vaisselle aussi ancienne de nos grands-parents. Et puis des petites choses, des choses personnelles, des photos, voilà, tout ce qui était sentimental un petit peu. Vous nous parliez d'un pressoir, c'est ça? Oui, qui est dans le local qui est juste à côté. Ça représente mon grand-père, ça, donc. Voilà le pressoir et le grugeoir là, qui servait avant donc à mettre les pommes en bouillie avec ça. Voilà, ça se tournait à la main. Puisque mon grand-père faisait lui-même son cidre et le calva, évidemment. Il était bouilleur de cru. D'ailleurs, cette chose-là s'est arrêtée avec lui. Mais on a quand même gardé les ustensiles pour en souvenir. Ça peut faire très joli dans un jardin, d'ailleurs. Mais c'est très lourd. Donc on peut pas. Moi, je l'aurais emmené. J'ai un grand terrain à la maison. Mais pour le transporter, il faut un transpalette. C'est trop, trop lourd à enlever. Alors, ils ont bien travaillé, déjà. Ça avance bien. Quand je vois cette échelle là, je me rappelle mon grand-père dessus et puis c'est un petit peu vraiment sentimental. Mais bon, c'est comme ça, il faut tourner une page. J'aime les habitations où les gens y ont vécu longtemps. En fait, tout simplement parce qu'on voit les couches de l'histoire de l'habitation et de la famille qui y a vécu. Alors c'est encore plus riche, encore plus intéressant lorsque plusieurs générations ayant habité, j'ai fait des habitations où il y a eu 5, 6, 7, 8 générations de la même famille habitées dedans. Et clairement, on voit les couches de générations dans le grenier, les gens qui ont vécu ici. Vous avez le temps de faire des scénarios? Comment ça? D'imaginer des histoires à propos des lieux, des objets? Alors, d'imaginer des scénarios, non, pas forcément. Par contre, une chose qui est claire, c'est qu'on arrive toujours à faire ressortir un thème, le thème qu'il y a eu dans la vie des gens. Ça peut être le voyage, avec un voyage plus précis, vraiment des gens, on se rend compte qu'ils étaient passionnés par l'Asie, parce que il y a que ce soit des bibelots, des photos, plein de choses qui vont en parler de l'Asie. Soit quelqu'un de passionné par le modélisme, parce qu'on a une pièce dans le grenier qui est remplie de trains miniatures, de voitures, de choses comme ça. Voilà, on va toujours. Ici, ça va être surtout le côté menuisier. Je pense que le monsieur était extrêmement bricoleur. De ce que j'ai compris, la maison, il l'a entièrement retapé lui-même. Maintenant, il n'y a pas de sujet vraiment précis qui ressorte. Que ce soit dans les livres, que ce soit dans les objets souvenirs qu'on a pu retrouver. Peut-être aussi parce qu'il y en a beaucoup qui ont été récupérés. Du coup, c'est un petit peu plus compliqué pour avoir un vrai ressenti de ce qui s'est passé dans cette maison, dans cette vie qu'il y a pu y avoir ici. Et ça fait pas peur, des fois, d'ouvrir les tiroirs, enfin... Pas particulièrement. Là, il y a aussi, mais encore une fois, il y a une part d'habitude. Des maisons, maintenant, j'en ai vidé quelque chose comme 1500, donc... non, il n'y a pas d'appréhension, non, pas du tout. On arrive des fois à des petites surprises, hein, trouver dans des greniers, on débarrasse, et finalement, on retrouve des éléments de rites sataniques sur le sol, des choses comme ça. C'est arrivé avec des squelettes de rats qui étaient mis en scène dans un rite satanique dans une cheminée avec un volet en métal. On a soulevé pour voir s'il n'y avait pas des chenets, des vieilles bûches, des choses comme ça. Et puis là, on découvre en cercle voilà, des squelettes de rats mis en scène. Voilà, c'est des petites choses comme ça. Donc ça peut arriver. Maintenant, ça ne génère pas de peur, en tout cas. Des fois, c'est des gens aussi qui vivaient dans un... Comment l'exprimer, dans un niveau de salubrité juste impressionnant, en fait, qui se sont laissés aller des fois pendant, peut-être des fois que 6 mois, mais des fois c'est 10 ans, 15 ans. On rencontre également assez régulièrement le syndrome de Diogène. C'est l'entassement compulsif qui peut parfois se cumuler en plus à l'achat compulsif. mais de choses futiles. Hein. Les gens vont acheter 50 louches de cuisine. On va retrouver des sacs avec différents articles comme ça, achetés en quantité importante, mais qui n'ont jamais bougé du sac après être rentré du magasin. Des maisons intégralement remplies. Vraiment, vous ne rentrez pas dans la pièce. Pour ouvrir la porte, il faut vider petit à petit. On finit par ouvrir la porte et après, c'est du sol au plafond de toute façon. Donc voilà, on voit beaucoup de choses. Tout comme on peut voir une maison où c'est impeccable. Tout le mobilier n'a à peine une dizaine d'années. On va trouver des œuvres d'art. Voilà, on voit vraiment de tout. De tout. Après, c'est aussi la génération à laquelle on est confronté, en fait. Les gens qui, souvent, donc, sont décédés, sont des gens qui avaient 80 ans, 90 ans. C'est une génération qui a, dans son histoire, vécu des choses, des périodes de guerre, des choses comme ça, où il était difficile de se fournir la moindre planche, le moindre clou. Donc, on passait tout le reste de leur vie à garder ça en souvenir et à se dire, bon, bah, je garde, je mets de côté, on sait jamais. Il faut savoir aussi que, il y a 40 ans, 50 ans, il n'y avait pas de déchetterie. Les systèmes de déchetterie communale n'existaient tout simplement pas. Donc quel biais ils avaient aussi pour se séparer des choses, les voies à la destruction. Des fois, le seul moyen c'était de stocker, tout simplement quoi. La grande mutation au 19e siècle du côté de la consommation, c'est qu'on bascule dans une société industrielle et ça veut dire une chose très simple mais qui change tout. Qui est que d'un seul coup, on va acheter des objets déjà fabriqués au lieu de commander. Manuel Charpie. Je vais donner un exemple. Historien. Je ne sais pas, pour un meuble, par exemple. On ne va plus commander à un ébéniste ou à un menuisier, selon ses moyens, une table. On va aller dans un magasin de meubles où on a déjà produit en série des tables et on va les acheter. Ça crée une sorte de bascule tout à fait centrale, à mon avis, quelque part entre 1830 et 1850. D'un coup, on produit en série des objets, puis on va chercher des clientes et des clients. Et donc, on a besoin de faire de la publicité, on a besoin de créer des emballages, de créer des marques. Et donc voilà, si à un moment on peut parler de société de la consommation, c'est à mon avis à partir de ce moment-là. Avant, on faisait la publicité des maisons, bien sûr. Donc une sorte de marque, hein, de personnes, d'artisans. On pouvait aussi vendre des produits préfabriqués, il y en avait, il ne faut pas imaginer que d'un coup ça apparaît, mais ça change complètement d'échelle au 19e siècle. Pour la majorité des personnes, l'essentiel des objets achetés sont des objets déjà fabriqués. D'où les grands magasins, y compris populaires. Les grands magasins populaires sont grands parce qu'on va stocker des meubles, on va stocker de la vaisselle, on va stocker des vêtements, on va stocker de la brosserie, Et puis dans les grands magasins, vous le savez, on va créer tout un tas de récits commerciaux séduisants. On va offrir des glaces et des ballons aux enfants, on va faire des concerts. On a énormément de concerts dans les grands magasins, des spectacles de théâtre. Donc voilà, c'est l'arrivée de la marchandise, c'est-à-dire l'objet plus un récit égale la marchandise. Marx a analysé ça très très bien dès le 19e siècle. La marchandise, c'est l'objet plus une séduction, plus un récit, plus un imaginaire, et évidemment un imaginaire social aussi, de positionnement social. Puis, l'âge aidant, à la faveur des expériences accumulées, il apparut qu'ils prenaient un peu de champ à l'égard de leurs ferveurs les plus exacerbées. Ils surent attendre et s'habituer. Leur goût se forma lentement, plus sûr, plus pondéré. Leurs désirs eurent le temps de mûrir. Leur convoitise devint moins hargneuse. Lorsque, se promenant aux abords de Paris, ils s'arrêtaient chez les antiquaires de village, ils ne se précipitaient plus vers les assiettes de faïence, vers les chaises d'église, vers les bonbonnes de verre soufflées, vers les chandeliers de cuivre. Certes, il y avait encore dans l'image un peu statique qu'il se faisait de la maison modèle, du confort parfait, de la vie heureuse, beaucoup de naïveté, beaucoup de complaisance. Ils aimaient avec force ces objets que le seul goût du jour disait beaux. Ils rêvaient encore de les posséder. Ils auraient assouvi ce besoin immédiat, évident d'être à la page, de passer pour connaisseur. Mais cette outrance mimétique avait de moins en moins d'importance. Et il leur était agréable de penser que l'image qu'ils se faisaient de la vie s'était lentement débarrassée de tout ce qu'elle pouvait avoir d'agressif, de clinquant, de puéril parfois. Ils avaient brûlé ce qu'ils avaient adoré. Les miroirs de sorcières, les billots, les stupides petits mobiles, les radiomètres, les cailloutis multicolores, les panneaux de jute agrémentés de paraffes à la Mathieu. Il leur semblait qu'ils maîtrisaient de plus en plus leurs désirs. Ils savaient ce qu'ils voulaient. Ils avaient les idées claires. Ils savaient ce que serait leur bonheur, leur liberté. Moi, j'ai réussi à me refaire une petite caisse à souvenirs. Il y a les photos de naissance des enfants et la boîte souvenir de Lou. Il y a notamment sa petite boîte souvenir avec son petit pied, sa petite main, ses premiers pas, ses premières chaussettes, sa première couronne. Donc ce que j'ai retrouvé au début, je l'ai mis dedans, le petit bracelet de ma sœur qu'elle a fait pour Lou et un autre pour Peyo. On en est où, la Vanessa, de... du tri? 80% je pense. Il me reste plus que ça là, donc je pense que... Du coup là on a 3 cartons, on espère pouvoir les laisser chez des amis et qu'ils nous les gardent au chaud. Et après, j'ai encore mes caisses de papier, je sais pas ce que j'en fais de ça. Bon Yorick, toi ça va? Ça va, ça va. T'as pas l'air trop sentimental. Oh pas du tout. non, moi je m'attache pas aux affaires et c'est vrai que... Voilà, ça me... Vanessa, on sent que c'est plus difficile. Ah, c'est plus difficile, oui, ça a l'air. Après, voilà, on n'est pas tous faits pareil. Et puis après, moi, j'ai toute ma famille encore près de moi. Et c'est vrai qu'elle, elle a plus grand monde. Donc voilà, c'est peut-être plus dur pour elle aussi de se séparer des souvenirs de toute sa famille et tout ça, quoi. Vous, Lionel, il y a des objets que vous aimez particulièrement? Oui, il y en a, ça c'est sûr. Alors moi je suis un grand enfant, j'ai des enfants, donc ça m'arrive de récupérer des jouets tout simplement. Alors soit parce que ça me rappelle ma génération, les années 80, donc des Lego, des Playmobil, des choses comme ça. J'adore ramener ça pour mes petits garçons. J'ai un cheval à bascule d'époque Napoléon III, j'ai mon berceau en lit col de cygne Napoléon III aussi. Ça m'arrive de récupérer en tout cas. Dans ces cas-là, on le rachète à la société tout simplement, à l'entreprise. J'ai pas de sujet vraiment précis. Et en bientôt 9 ans maintenant, j'en ai vu beaucoup passer, j'ai eu l'occasion d'en récupérer pas mal. Les objets vivent plus longtemps, les objets vivent plus longtemps. Que les gens, pas toujours évidemment, mais souvent les objets vivent plus longtemps que les gens. Le dernier inventaire avec André Jacquin, Lionel Chapelle, Vanessa et Yorick Maguin, Manuel Charpie, Valérie Guillard et Odile Serrano. Merci à Gary Pietto. Lecture, Nathalie Canoui. Prise de son, Laurent Macchietti, Thibaut Nassim Ben, Georges Thau et Manon Houssin. Mixage, Régis Nicolas. Coordination, Perrine Kervran, Marie-Vonne Abolivier et Mathias Mégy. Ce qui reste, Vie et mort des objets, une série documentaire de Laetitia Druard, réalisée par Anne Fleury. LSD, c'est fini pour aujourd'hui. Bibliographie, lien ou pour nous écouter dans la maison vide, c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Et les pages, c'est Marie-Vonne Abolivier, Mathias Mégy et Anne-Lise Signoret. Et pour nous écouter au bon moment, il y a le podcast sur l'application Radio France et ailleurs. Et pour se parler, c'est sur Twitter et même sur Instagram. Et pour toujours plus de documentaires, abonnez-vous à la plateforme Tank, notre partenaire qui propose une sélection éclectique, rare et pointue de documentaires d'auteurs. Demain, dernier épisode, Fortune de mer glanée sur le rivage. Mais en attendant, restez à l'écoute.